بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل دراستنا في كتاب القواعد المثلى سائلين الله عز وجل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد Donc on va reprendre sans plus attendre, Inch'Allah, en implorant Allah Azza wa Jal qui nous accorde la sincérité à travers nos paroles et nos actes. Et donc, on est arrivé dans l'étude de l'œuvre de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, à la troisième règle. قال المصنف القاعدة الثالثة. Dans cette troisième règle, donc dans la dernière assise, on avait lu le texte en arabe, la parole de l'auteur concernant la troisième règle. Et donc on avait dit qu'aujourd'hui, il faudrait nous traduire et essayer de comprendre cette troisième règle que nous enseigne l'auteur. Donc on avait dit, à titre de rappel et de révision, dans la première règle, l'auteur nous enseigne que tous les noms d'Allah Azza wa Jal sont husna. Et c'est ça qu'il faut se rappeler de la première règle. Tous les noms d'Allah Azza wa Jal, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Ils sont tous parfaits. C'est l'extrême perfection. Et dans la deuxième règle, on a appris que les noms d'Allah Azza wa Jal sont A'lam wa Awsaf. Dans la deuxième règle, on a appris que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont aussi bien des noms propres et des qualificatifs. Des noms propres ainsi que des qualificatifs. C'est-à-dire, on affirme le nom et le sens de celui-ci. Et dans la troisième règle, l'auteur va nous enseigner, fil qa'idat al-thalitha, que asma'ullah ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur. Donc cette troisième règle, il faut bien vous concentrer avec moi, Inch'Allah. Si on traduit littéralement, mais on va essayer de bien comprendre cette troisième règle, il y a un enseignement qui est très important. Et aussi, dans notre adoration d'Allah Azza wa Jal, la connaissance de cette règle va nous aider à parfaire notre adoration d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Puisque le but, c'est de parfaire notre adoration et notre culte qu'on voue à notre Créateur. Et donc, plus notre Créateur, on le connaît, plus on va le craindre et l'estimer à sa juste valeur. Alors, l'auteur nous dit, dans cette règle-là, ce qu'on va apprendre, Asma'ullahi ta'ala, que les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si ils indiquent un qualificatif qui est transitif, dans certaines traductions, ils traduisent par un qualificatif qui est transitif. Dans le sens muta'addin, qui a un effet sur autrui. Qui a un effet sur autrui. C'est plus simple de cette manière. Muta'addin, c'est lorsque il y a un effet sur autrui. Une traduction rapprochée et approximative. Mais vous allez mieux comprendre dans l'explication. Si le nom, dans cette règle, on va apprendre, si le nom de notre Créateur, Yadullu, il indique, ala wasfin muta'addin, qualificatif, transitif, dans le sens qui a un effet sur autre, alors ça va sous-entendre, induire, ou plutôt impliquer trois choses. Ça va impliquer trois choses. Donc je vous traduis littéralement, ensuite vous allez mieux comprendre dans ce qui va suivre. Ahaduha, les trois choses que ça implique, la première. Thubutu dhalika al-ism lillahi azza wa jal. Premièrement, l'affirmation de son nom. Il faut affirmer ce nom. Thani, thubut as-sifati allati tadammanaha lillahi azza wa jal. Deuxièmement, affirmer l'attribut que ce nom indique et implique. والثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. Et troisièmement, affirmer le jugement ou l'implication, les implications de ce nom. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة. استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فاعلموا أن الله غفور رحيم لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم الحد عنهم. Là, premièrement, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Lorsque il y a l'évocation d'un des noms sublimes de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, premièrement, on a le nom. Donc le croyant, lui, doit affirmer le nom du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on doit affirmer l'attribut que ce nom implique. Pourquoi ? Parce que chaque nom sous-entend un attribut. Ça, c'est notre croyance. Chaque nom sous-entend un attribut. Donc, par exemple, Allah est le tout miséricordieux. Ar-Rahman, ça sous-entend l'attribut de la miséricorde, comme on l'a dit. Allahu As-Samir, ça sous-entend l'attribut de As-Sama. Allahu Al-Basir, ça sous-entend l'attribut de Al-Basar. Allahu Al-Qadir, ça sous-entend l'attribut de Al-Qudra, Al-Aziz, Sifat, Al-Izza. Donc chaque nom d'Allah Azza wa Jal sous-entend, implique un attribut. Sauf qu'ici, l'auteur nous dit dans cette règle, si cet attribut, ce qualificatif, il est muta'addin en arabe, c'est-à-dire qu'il aura un effet, on va bien le comprendre, sur autrui, alors maintenant, il y a une troisième chose à affirmer. Il y a une troisième chose à affirmer. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. Affirmer le jugement et les implications de cela, de ce qualificatif. Donc ça, c'est d'une manière littérale. On va mieux comprendre, ensuite l'auteur va expliquer. Et vous allez mieux comprendre. C'est-à-dire, par exemple, comme on va l'apprendre là, le nom d'Allah Azza wa Jal, le nom As-Samir. Allah est celui qui a la parfaite audience. Allah entend tout, rien ne lui échappe. Les paroles secrètes, les paroles de tous les êtres, tout ce qui se dit, rien ne lui échappe. Allah entend tout. Donc, As-Samir, il faut affirmer le nom. Ce nom-là sous-entend l'attribut de l'audience, et ensuite, ça va avoir un lien, un effet sur autrui, de sorte que sur nous, ça va avoir un effet, de sorte que lorsqu'on va savoir qu'Allah Azza wa Jal entend nos paroles, entend nos propos, alors, on ne va pas vouloir qu'Allah Azza wa Jal entende des choses de notre part qui sont mauvaises. Donc, vous avez vu, ensuite, ça a un effet sur les créatures. Ça a un effet sur les créatures. Donc, lorsqu'il est dit, il faut affirmer « hukmiha wa muqtadaha », affirmer les implications, c'est-à-dire du qualificatif. L'attribut de « as-sama », qu'est-ce que ça implique parmi les implications ? Qu'Allah entend toutes nos paroles. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, affirmer aussi cela. Et l'auteur va nous donner exemple. Il dit pour cela, istadalla ahlul ilm. Pour cela, regardez, il donne un exemple immensément pertinent. Il dit pour cela, les savants, les grands érudits, ont déduit d'un verset. Le verset concernant ce qu'on appelle Qutta at-Turuq. Ce sont les brigands. Qutta at-Turuq, vous avez vu à l'époque, dans la péninsule arabique ou dans d'autres endroits du monde, les gens qui voyagent parfois étaient attaqués. Ils sont attaqués par des brigands qui obstruent les routes des voyageurs pour les piller, pour piller les caravanes, pour voler les voyageurs. Ces gens-là, on les appelle Qutta' al-Turq. Ce sont des brigands, des gens qui obstruent la voie des voyageurs pour les voler, pour piller les caravanes et autres. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que si ils se repentent de leurs péchés, ceux qui s'adonnent à ces vols, ceux qui s'adonnent à cette injustice, s'ils se repentent de ces péchés avant que les autorités ne les attrapent, alors Allah, il accepte leur repentir. Allah, il accepte leur repentir. Et de ce fait, ils n'ont pas la punition. S'ils se sont repentis et demandé le pardon. Et ça, c'est une règle très importante chez les ulama. Et ils se basent sur le verset, dans une traduction relative du sens du verset, lorsqu'Allah dit « Excepté ceux qui se sont repentis avant que vous ne dressiez la sentence. » C'est-à-dire « Al-Had », la sentence, la punition. Sachez qu'Allah est celui qui pardonne sans cesse le trait miséricordieux. C'est comme ça qu'ils ont traduit « Anna Allah ghafurun rahim ». Allah est le grand pardonneur, le tout miséricordieux, une traduction relative. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, dans ce verset, il parle des brigands. Donc, certains les appellent les bandits de grand chemin. Ces brigands-là qui attaquent les voyageurs, qui pillent les voyageurs et volent les voyageurs, dans le verset, Allah Azza wa Jalla nous dit que si, dans le cas qu'ils se sont repentis, puisqu'il dit « illa alladhina tabu min qabl », sauf ceux qui se sont repentis. Et Allah dit donc « excepté ceux qui se sont repentis avant que vous ne dressiez la sentence », c'est-à-dire la punition. De sorte, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que si ils se sont repentis, alors Allah Azza wa Jalla leur pardonne. Et donc ils n'ont pas Al-Had. Ils n'ont pas Al-Had. قال الشارح قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس في الطرقات معهم سلاح ويغصبونهم المال وسموا قطاع الطريق لأنهم يقطعون الطريق. Il dit donc, ceux qui attaquent les voyageurs, pourquoi on les appelle des brigands? Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui obstruent le chemin. Pour ça, on dit قطاع. Littéralement en français, si on traduit littéralement en français, on va dire les barreurs de route. Si on traduit mot pour mot, قُطَّاع الطُّرُق, ce sont les barreurs de route. Une traduction littérale. Sauf que là, ça sous-entend, ce sont les, effectivement, des barreurs de route, ceux qui obstruent le chemin des voyageurs, les attaquent et les pillent. Donc à l'époque, c'était connu pour les voyageurs. Dans certains endroits, il y avait une insécurité de voyage. Et la péninsule arabique, à l'époque du prophète, les caravanes étaient souvent attaquées. Et les voyageurs étaient souvent attaqués et pillés. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit dans des terres instables où règne l'insécurité, et bien souvent, les voyageurs, les gens qui sont de passage, les passants, sont attaqués. On les appelle « Qutta al-Tariq ». Pourquoi ? Parce que les annahum yaqta'un at-tariq. Pourquoi? Parce qu'ils obstruent, ils barrent le chemin des gens. Ayyu insan yurid an yattajiha ma'a hadha at-tariq wa fihi ha'ula fa innahu yuhjimu wa la yuqdim. Ha'ula dhakara Allahu 'uqubatahum. Et donc, c'est ce genre d'individus, ces brigands, ces criminels, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, a mentionné une punition. Sauf qu'Allah Azza wa Jal nous dit « Illa alladhina tabu » excepté ceux qui se sont repentis. Et là, les savants, ils ont déduit, c'est une règle très importante, ils ont déduit que ça veut dire que ceux qui se repentent de leur péché avant avoir été pris, alors Allah Azza wa Jal leur pardonne. il leur pardonne. De sorte, ils n'ont pas al-had. Ils ne doivent pas avoir la punition. Regardez. Qala, fa'idha tabu min qabl, an naqdira alayhim. Naqdira alayhim, avant qu'on ait une sorte d'emprise sur eux. Qu'ils se fassent attraper par, en quelque sorte, l'autorité. On parle les gens. Yani annahum sami'u annana natlubuhum. Et Cheikh va bien l'expliquer. Il dit par exemple, ces brigands-là, ils ont entendu dans une information qu'ils sont recherchés. Ils sont recherchés par l'autorité. De ce fait, fatabu. Wa atau ilayna. Alors ensuite, ils se repentent. Et ensuite, ils viennent vers l'autorité. Tabu wa atau ilayna. Wa alqaw as-silah. Et si par exemple, ils ont des armes ou autres, ils jettent cela, ils posent tout ça. Ils viennent se rendre repentants. À ce moment-là, famada yajib. Cheikh, il pose la question, qu'est-ce que l'autorité fait alors ? Qala, fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Allah dit, sachez qu'Allah est pardonneur miséricordieux. Et donc de ce fait, وَإِذَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُمْ. Et du fait qu'Allah, à la fin du verset, il dit, excepté ceux qui se sont repentis, مِنْ قَبْلَ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ. Avant que vous ayez le pouvoir sur eux. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on doit faire? فَعْلَمُوا. Sachez qu'Allah est pardonneur miséricordieux. Et pardonneur et miséricordieux. Donc si leur repentir est sincère, ils n'ont pas la punition. قال فإذا علمنا ذلك وجب الكف عنهم وكذلك بقية الحدود وهذه قاعدة مهمة جدا قال وكذلك بقية الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه فإن توبته تقبل ولا يقام عليه الحد. Pour cela, une personne qui a fait un acte répréhensible, ensuite il demande le pardon, il s'en repent, alors, Shirdi n'a pas de punition, car Allah est pardonneur miséricordieux. Qala, ensuite il dit, فصار الاسم المتعدي يتضمن ثلاثة أمور. الأول إثباته اسما، الثاني إثبات ما تضمنه من صفة، والثالث إثبات الحكم المقتضى الذي إثبات الحكم والمقتضى الذي تقتضيه هذه الصفة. مثال ذلك قال السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Et là l'auteur ensuite, après qu'il nous ait expliqué cette déduction des savants, vous avez pu comprendre la déduction ici des savants. Du fait, est-ce que vous avez compris le lien du verset que l'auteur a cité, excepté ceux qui se repentent, avant que vous ayez un pouvoir sur eux, sachez qu'Allah est pardonneur et clément, ou miséricordieux. Vous avez compris là, la convenance, le lien qu'il y a avec la citation de ce verset, et l'istidlal et la déduction des ulama que l'auteur cite à ce moment-ci. Pourquoi? Puisque la troisième règle, l'auteur nous dit, Asma'ullahi ta'ala, indallat ala wasfin muta'addin. Indallat ala wasfin muta'addin. Pourquoi? Parce que indallat ala wasfin ghayri muta'addin, al-hukm, ça va être autre chose. On va affirmer deux choses. On affirmera deux choses. Mais là, lorsque le wasf est muta'addin, on affirme trois choses. C'est-à-dire, lorsque le qualificatif, il est transitif, dans le sens, plus simplement, il a un effet sur autrui. On dit que c'est une traduction approximative. Là, on doit affirmer trois choses. On doit affirmer trois choses. Est-ce que vous avez compris avec les trois choses qu'on a mentionnées? On doit affirmer le long, on doit affirmer l'attribut qui est sous-entendu de ce nom, et on doit affirmer les applications du qualificatif. Pourquoi l'auteur a cité cet exemple? C'est très pertinent. Le fait qu'Allah Azzawajal est pardonneur, il est miséricordieux. Vous avez vu l'effet que ça a, par exemple, que ça a eu sur, par exemple, le jugement lié au Qutta, au brigand. On voit que ça a un effet. C'est ça que l'auteur veut dire lorsqu'il dit wasfun muta'addin. Wasf muta'addin. C'est-à-dire, littéralement en français, traduit par transitif. Vous avez vu, il y a même des verbes transitifs et des verbes intransitifs. Al-Muhim. Là, lorsque le qualificatif, donc, plus simplement, a un effet sur autrui, comme par exemple, le fait qu'Allah Azzawajal soit le grand pardonneur, soit le miséricordieux. Ça a des implications. Les implications, c'est qu'Allah fait miséricorde. Et Allah accorde le pardon. Et Allah accepte le repentir de ses créatures. Ça, on voit donc, c'est un qualificatif qui est muta'addin. Vous comprenez? Et il va nous donner l'exemple avec As-Sama, As-Samir. Et tout à l'heure, je ne vais pas vous le réitérer parce que tout à l'heure, je vous ai donné cet exemple. Le fait qu'Allah Azzawajal, il est Samir. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'on doit premièrement affirmer le nom, deuxièmement affirmer l'attribut sous-entendu, puisque chaque nom, on a dit, dénote un attribut, et troisièmement, ithbat hukmi dhalika wa muqtada. Qu'est-ce que ça implique, le fait qu'Allah Azzawajal entend tout et son audience est parfaite, il est Samir. Ça implique que toutes nos paroles, qu'elles soient en public ou bien secrètes, Allah Azzawajal les entend. Donc ça, c'est un qualificatif, par exemple, qui est muta'addin, qui a un effet sur, par exemple, les créatures. Et donc, quand il est muta'addin, il faut affirmer ces trois choses qu'on a dit précédemment. Les trois choses qu'on a dit précédemment. Regardez dans un verset, par exemple, Allah nous dit « Wallahu yasma'u tahawurakuma » Allah entend le dialogue de ces deux. Allah a entendu leur dialogue. Et « Inna Allah sami'un basir » Pourquoi? Parce que c'est les implications. Si Allah il est sami', ça implique qu'Allah entend toutes les conversations, qu'elles soient publiques, ces conversations, ou bien qu'elles soient secrètes. Tout ce qui se dit, Allah en a la connaissance. Et il n'y a pas un endroit dans le monde où on pourra se cacher. Si une personne cherche un endroit dans le monde où il peut dire une chose et se cacher du Créateur, il ne trouvera pas. Même s'il se dissimule, se cache dans des grottes reculées, très loin, dans des forêts, et il est seul, dans une petite grotte, et il parle tout doucement, pour que personne ne l'entende, Allah Azza wa Jal, le fait qu'il est As-Samir, ça implique qu'il entend tout, subhanahu wa ta'ala. Donc vous comprenez, lorsque un qualificatif, un wasf, il est muta'addin, c'est ça. On doit affirmer les trois choses, affirmer le nom, affirmer l'attribut sous-entendu, et affirmer les applications de l'attribut, du qualificatif. Par contre, il dit, wa in dallat, il va donner un autre exemple avant qu'on passe au ghayri muta'addin. Un autre exemple, par exemple, mithl dhalika al-alim. Al-alim, le fait qu'Allah Azza wa Jal a la science parfaite, infinie, éternelle. Souvent, al-alim est traduit par l'omniscient. Le fait qu'Allah Azza wa Jal est l'omniscient. Alors, cet attribut qui est sous-entendu du nom Al-Alim, qui est Sifat al-Ilm, c'est Muta'addin. C'est un wasf, c'est un qualificatif qui est transitif, littéralement, c'est-à-dire qu'il y a un effet. De sorte, on doit affirmer les trois choses. Awalan, nuthbit awalan bi anna min asma'illahi Al-Alim. Thaniyan. إثبات الصفة التي دل عليها. Ensuite, donc, on doit premièrement affirmer le nom, qu'Allah il est Al-Alim. Et donc, si on veut invoquer Allah Azza wa Jal, on peut utiliser ce nom, parce qu'il fait partie de l'Asma al-Husna, Al-Alim. Deuxièmement, affirmer l'attribut sous-entendu. Donc, Al-Alim dénote qui Allah Azza wa Jal détient la science éternelle, infinie, la science décrite comme étant à l'extrême perfection. Wa hiya al-ilm. Falaw qult ana u'minu bi anna Allah alim, lakin la u'minu bil ilm. Là, très belle question que soulève l'auteur. Si par exemple, pourquoi cette règle-là elle est très importante? Si par exemple une personne dit, moi je crois naturellement que Allah huwa al-alim. Allah il est alim. Mais je ne crois pas que cela sous-entend forcément l'attribut de al-ilm. Alors lui, il affirme le nom, Naam, dans le Coran, là, il dit, wa huwa al-alim. Allah est, traduction relative, l'omniscient. Mais lui, par exemple, en croyant en ce nom, lakin la u'minu bil ilm, mais il ne croit pas en l'attribut de al-ilm. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre? Qu'est-ce qu'on pourrait lui enseigner? Eh bien, on lui dira que tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru en ce nom. Fa'innaka, les propos du shir, il dit, fa'innaka lam tu'min bil ism. حتى تؤمن بما تضمنه من الصفة. Le shir dit, en fait, tu n'as pas cru au nom jusqu'à ce que tu crois en l'attribut, le qualificatif qui est sous-entendu, que ce nom dénote. Jusqu'à ce que tu crois en l'attribut. ثالثا. Vous avez vu? Donc, on doit, premièrement, affirmer le nom. Deuxièmement, affirmer l'attribut sous-entendu. Et troisièmement, il dit, ثالثاً الحكم الذي يقتضي ذلك المعنى فالعليم يقتضي أن يعلم كل شيء. Maintenant, le fait qu'Allah Azza wa Jal est omniscient, le jugement de cela, s'implique quoi? Quelles sont les implications de cela? S'implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala يعلم كل شيء. S'implique qu'Allah a la connaissance de tout, que rien ne lui échappe, puisqu'il est العليم. Il a l'alim. Donc nous, on doit croire et affirmer, troisièmement, les implications. Al-muqtadayat. Qala, yaqtadi an ya'alam kulla shay, falabudda an tu'mina bima yaqtadihi thalika l'ismu min al-ahkam. Min al-ahkam. Et donc, vous comprenez? Jusque-là, vous comprenez. C'est lorsque le qualificatif, il est, en arabe, on l'appelle muta'addin. Il est muta'addin. Maintenant, si le qualificatif, c'est-à-dire il a un effet sur autrui, il y a des implications. Par exemple, qu'Allah Azza wa Jal est l'omniscient, les implications de cela, ça implique qu'Allah Azza wa Jal a la connaissance de tous nos actes, tout ce qui se produit sur terre. Donc vous voyez bien que ça a un effet sur autrui, sur les créatures. Par exemple, on va voir que il y a des qualificatifs, des qualifications qui ne sont pas transitives, qui n'ont pas effet sur les créatures, par exemple, qui sont liées au créateur seulement. Par exemple, Al-Hayy, comme l'auteur va donner l'exemple, le vivant, Allahu Al-Hayy, Al-Qayyum, par exemple, comme on va le voir. Qala, wa in dallat ala wasfin ghayri muta'addin tadammanat amrayni. Si maintenant, il est غير متعدين, l'attribut, ou bien le qualificatif, il n'est pas transitif. قال أحدها, donc là, il faut affirmer deux choses. Il faut affirmer deux choses. Dans le premier cas, on a dit on affirme trois choses. Là, il faut affirmer deux choses. Affirmer ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل, affirmer le nom d'Allah عز وجل, et ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل, et affirmer l'attribut sous-entendu que dénote ce nom, tout simplement. On affirme le nom et on affirme l'attribut. C'est-à-dire, il va donner l'exemple, مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل. Par exemple, الحي, ça veut dire qu'Allah est le vivant. Lorsqu'on dit الحي, on dit qu'Allah Azza wa Jal est le vivant. Si Allah Azza wa Jal, il a le nom de El Hayy, le vivant, c'est que lui appartient, il a l'attribut Sifatu El Hayy. El Hayyat. Et Sifatan Lahu. Donc c'est un attribut. El Hayyatu, c'est un attribut. Min Sifati Allahi Azza wa Jal. Faqala. فليس له حكم يتعدى قال ليس له حكم يتعدى لأن الحي وصف لازم إلى لازم قال ومثلها الحيي فإنه وصف لازم والفرق بين الحي والحيي أن الحي ذو الحياة والحيي ذو الحياء ومثله القوي والعظيم والجليل. Regardez, il dit que le nom, le vivant, il n'est pas muta'addin, il n'est pas la yata'adda comme dans le premier cas. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est un qualificatif qui est intransitif, il est lazim, c'est un wasfun lazim. Et, par exemple, il donne d'autres noms. Parmi ces noms qu'il a donnés, il a parlé de la différence entre Al-Hayyu ou Al-Hayyiyu. Celui Al-Hayy, c'est celui qui détient Sifatul Hayati, ou Al-Hayyiyu Dhul Hayai, par exemple. Il a cité, par exemple, Al-Qawiyu. Il a cité Al-Azimu. Il a cité Al-Jalilu. Ça, ce sont des noms, Al-Qawi, le fort, Subhanahu wa ta'ala, traduction latif, Al-Azim, Al-Jalil, par exemple. Ça, ce sont des noms qui dit Wasfun, qui dénote, qui indique des qualificatifs intransitifs, qui sont l'azim. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on affirme ? On affirme le nom et on affirme l'attribut sous-entendu. وَأَمَّا الْقَدِيرُ فَبَيْنَ وَبَيْنَ لِأَنَّهُ يَتَعَدَّى بِعَلَى فَهُوَ مُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَوْصَافِ اللَّازِمَةِ ويحتمل أن يكون من الأوصاف المتعدية ولذلك قال الله تعالى وهو على كل شيء قدير إذ قال قائل كيف تقول إن الحي لا يتعدى وقال الله تعالى يحيي ويميت فالجواب أن يحيي ويميت ليست متفرعة عن كونه حيا بل متفرعة عن كونه محييا وفرق بين هذا وهذا. Voilà, ça c'est en ce qui concerne la troisième règle. On va s'arrêter là, inshallah, concernant la troisième règle, et on continuera, inshallah, dans la prochaine assise, si Allah nous le permet. Donc dans la prochaine assise, on terminera la troisième règle, malgré que dans la lecture, on l'a terminée, même dans la traduction. Donc la troisième règle, on l'a finie. La troisième règle, on l'a finie. Il y a certains points qu'on peut-être on détaillera dans la prochaine assise, et on commencera, inchallah, la quatrième règle. La quatrième règle. Donc tout simplement, l'ordre est très pertinent, la classification qu'a choisi l'auteur. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces trois règles concernant les noms sublimes d'Allah Azza wa Jal ? C'est tout simple. Ce qu'il faut retenir, premièrement, dans la première règle, on a appris que tous les noms d'Allah sont husna. Walillahi al-asma al-husna. Tous, sans exception. Ils dénotent la perfection. Ce sont les meilleurs. On a dit al-husna, c'est le superlatif. C'est le féminin superlatif. Du masculin, al-ahsan. Le meilleur, les plus parfaits. Donc tous les noms d'Allah Azza wa Jal sont à l'extrême perfection, sont les meilleurs. C'est la première règle. Ça c'est concernant la première règle. Deuxième règle qu'on a appris, que les noms d'Allah Azza wa Jal sont A'lamun wa Awsaf. que tous les noms d'Allah Azzawajal sont des noms propres et des qualificatifs. Et des qualificatifs. Ça, c'est la deuxième règle. Et la troisième règle qu'on a appris, tout simplement, lorsque on a un nom d'Allah Azzawajal qui indique un qualificatif qui a un effet sur autrui, alors là, on affirme trois choses. On affirme le nom, on affirme l'attribut sous-entendu et on affirme les applications de celui-ci, de ce qualificatif, tout simplement. Si par contre, il est lazim, il est ghayr muta'addin, il n'est pas transitif, il est intransitif. Et donc, là, on affirme le nom et on affirme l'attribut sous-entendu, tout simplement. Et on a donné des exemples à cela. C'est ça la troisième règle et c'est ça que l'auteur veut nous enseigner. Voilà, et donc demain, on commencera la quatrième règle, bi'ithnillahi ta'ala.